crois que ça va craquer, si tu crois que tout va s'arrêter, là où tu l'as décidé, laisse aller. Laisse aller. Ça me crève le cœur que tu crèves d'envie de crever dans ce jeu de cartes, cartes d'identité. Garde ton identité, laisse-les, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, bébé. Laisse aller. L'amour aura raison de tout. La mort aura raison de nous. nous.